tout ce qui s'est passé glisse à côté comme l'eau sur les joues. Rester comme ça attaché quand l'autre a quitté. Et tous ces mots qu'on a dit, mots qu'on a fui, où sont-ils allés? Rester comme ça attaché ne peut rien changer. Alors va, je laisse le vent emporter tout. Laisse le vent prendre soin. Je laisse le vent emporter tout. Laisse le vent prendre soin de tout. Je t'ai rêvé, âme sans pied, Dieu ou les. Glisse à côté comme l'eau sur les joues. Quand je t'ai pris par la main, c'était un.